Le veau sur la glace. Fable. Un jour, un veau sautait dans son étable. Il apprit ainsi à faire des tours. Quand l'hiver vint, on laissa aller le veau avec le troupeau boire à la source entourée de glace. Toutes les vaches s'approchèrent avec précaution de l'abreuvoir. Le veau courut étourdiment sur la glace, levant la queue, dressant l'oreille et se mit à tourner. Au premier tour, il glissa et se heurta à l'abreuvoir. Alors, il se mit à pleurer comme un veau qu'il était et murmura « Malheureux que je suis, dans la paille jusqu'aux genoux, je sautais sans tomber, et ici, dans un endroit aussi uni, aussi poli, je me laisse glisser. » Une vieille vache lui dit « Si tu n'étais pas si jeune, tu saurais que là où il est plus facile de sauter, il est aussi le plus difficile de se retenir. »